some smoking. L'amour se gardera de moi des faritas et des filles. Je délire, je n'ai plus rien à moi. Des faritas en smoking, tout seul si tard à Thionville, je pleure dans mon joli smoking. Des nerfs en tenue de bain, plus d'argent et j'ai encore faim. Et du vin et le bus me ramène chez moi. Des nèmes en tenue de bain, j'aimais la fille de mes rêves, je pleure dans ma tenue de bain. Des faritas en smoking, je veux rentrer et me branler. Des faritas et une fille, elle est moche, mais au fond elle me plaît. Des faritas en smoking, tout seul si tard à Thionville, je pleure dans mon joli smoking. Des faritas.